Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm a guy. Yeah. C'est moi qu'elle a choisi. Et moi j'ai rien demandé. Elle m'a pris comme je suis. Faut pas me condamner. Elle m'appelle bébé na bébé. Bébé na bébé. Bébé na bébé. Bébé na bébé. Bébé na bébé. Bébé na bébé. Elle veut pas s'en ficher. Elle aime trop me regarder. Quand tu me fixes des cœurs plein les yeux, j'ai l'impression de te posséder. Dis-moi ce qui t'intéresse chez moi. Je comprends pas ce qui vient de se passer. C'est moi qu'elle a choisi. Et moi j'ai rien demandé. Elle m'a pris c'est comme je suis. Faut pas me condamner. Elle m'appelle bébé na bébé. Bébé na bébé. Bébé na bébé. Bébé na bébé. Bébé na bébé. Petit pas, je fais confiance, les sentiments prennent dessus. Qu'est-ce que tu proposes? Montre-moi le chemin, je te suivrai. Tes copines nous regardent, quand elles parlent, nous sommes le sujet. Elles disent ce qui est mieux pour moi, qui ne tente rien à rien, je me laisse tenter. Mes défauts ne la gênent pas, elle me prendra comme ça. C'est moi qu'elle a choisi, et moi j'ai rien demandé. Elle m'a pris, c'est comme je suis. C'est moi qu'elle a choisi, et moi j'ai rien demandé. Elle m'a pris c'est comme je suis, faut pas me condamner. Elle m'appelle bébé na bébé, bébé na bébé, bébé na bébé, bébé na bébé, bébé na bébé. Comment c'est?